Bienvenido, bienvenidas. My name is Eileen Elma, and I'm with the International Development Research Center here in Ottawa, Canada. And for those of you that don't know IDRC, IDRC is a public Canadian public corporation that funds research and researchers in the developing world so that they can build happier, healthier, more prosperous societies. And I'm delighted to be here with you today. I know that you've been really spending the last few days enjoying the diversity of women, of stories, and activities here at the Women's World Congress. And IDRC has been very pleased to be involved in the Women's World Congress these past few years in a very modest way in its organizing. And I'd really like to congratulate officially the Women's World Congress Secretariat for the great job that they've been doing and the opportunity to let IDRC be involved. And what we'd like to do today is showcase the kind of work that we're supporting in IDRC, especially in the area of democratic governance, women's rights, and gender equality. In 2009, we launched an initiative to support comparative research investigating issues surrounding women's political participation in decision-making and in the judiciary and in the public sector. And this research is also exploring ways in which institutions, political parties, civil societies, and kin-based social organizations can be influenced to advance women's choices and entitlements as citizens, including through increased representation. I'm just going to take a pause here because I want to tell you that this panel will be done in French, English, and in Spanish. So if you feel competent in all three, that's great. If you don't, and there's headphones and there's equipment right in the back of the room here, and I encourage you to get one. And yes, please, just an extra one there. So this gives you a chance. And I'm just going to keep talking a little bit while you're getting those. We know that research on women's political participation is not new. There's a lot of work out there. There's been a great deal of work, especially done pertaining to the issue of decisions around quotas for women's leadership. But what we're trying to do and support in IDRC is analysis that has deepened empirical data in areas where research has been limited or where it hasn't been explored in depth, or where it hasn't been explored at all. And we're doing that with communities of women's researchers and activists in these countries themselves. As a recent report on gender and governance published by the Institute of Development Studies states, despite a growing body of literature on the subject, much less has been done investigating women's rights dimensions of governance, good governance, and democratic governance. For example, most of the literature on democratic governance is not explicitly concerned with explanations of how gender equality concerns emerge and are consolidated. And the most useful and sound-based contributions are derived from the studies that are done on the ground at the micro level on processes in each of these countries. And when these studies are done, they provide very good observations about many aspects of development, including democratic development, but their findings do not necessarily tend to be comparable in nature, or they're not necessarily shared interregionally or among different regions across them. So without that kind of replication, their narrow focus is limiting possibilities for taking those findings and bringing them to a global agenda on women's rights. So it's in this respect that IDRC has undertook to support a critical mass of research projects that could go both into depth, which is so badly needed in these countries, as well as contribute to the larger global debates. So between December, just this past year, and March, we launched a total of 14 projects now, covering a total of 17 countries that are being managed by research teams within institutions that are located in each of those respective countries. And these projects are based on those countries' needs, the women's priorities, and expect also to contribute not just to national and regional global debates, but also changes in policy and in practice on the ground. So I'll just give you an example of the projects that we're supporting and the countries we're doing that in. In Egypt, we're focused on a project on young women participation and the crafting of political. And you can imagine the timing is just amazing right now. It's a lived research, it's a lived experience that the women are contributing to here. In Sudan, they're looking at the introduction of the quota system and the impact of young women on young women's political engagement. The same for Tunisia. They're looking at young women and political participation, and also looking at the ways that social innovation is driving the changes of young women's engagement. In Argentina and in Chile, they're both looking at subjective obstacles to women's agency. And likewise, in the Caribbean, they're looking at women's understandings of politics, experiences of political contestation, and possibilities for gender transformation. In Kenya, Sierra Leone, Malawi, and Ethiopia, again, a whole series of projects specifically focused on young women's political participation and the way they're acting with women political leaders already in the system in these countries. Likewise, in West Africa, in Senegal, Burkina Faso, Mali, and Togo, by the same token, they're also looking at young women's political engagement. Finally, in Asia, in South Asia, we're looking at projects in Sri Lanka, in India, and in Pakistan. In India, it's on Dalit women, one of the marginalized indigenous women groups, who are and how they're contributing to Indian politics and how they're making impact through parliament. All of these projects are very current. They're very exciting. We're really excited to be part of them in our way in IDRC. And they're also building capacities of young women researchers as well as the women in the communities themselves. So it's with great pleasure that I introduce to you three colleagues that are working on some of these projects. And this is a small taste of the projects that obviously in the teams that we're working with, teams of dynamic women. And these are women that are working in West Africa, Sudan, and the Caribbean. And what they are doing and what they're going to share with you today is some of the information about the context in which they're operating these projects, the political spaces, the way that political participation is understood in their countries of countries under study, the challenges that they're seeing that women are facing, and how women are engaging, and also give perhaps some of their own personal reflections on what is required to break down barriers to women's empowerment and women's engagement. They will, as I said earlier, they will be speaking in French, English, Spanish, so please have your headset with you. And please also note the name changes that are on the cards here, because they're slightly different than what was in the program that you see, that you've been received. So I will start with, I'll introduce them one by one as they're going to speak. They're going to speak for about 15 minutes, and then we're going to have, hopefully, lots of time for your questions and for conversation. And I'll start with Marie-Hélène. Donc, je vous présente Marie-Hélène Martin-Silla. Elle est présidente de l'Association Ouest Africain Afrique Créative, participant à la construction du réseau international ENDA. Elle est spécialisée sur les questions de genre et elle a conçu et coordonné la réalisation depuis une dizaine d'années de plusieurs projets de recherche, action, formation, financés notamment par le CRDI, sur la contribution de TIC à l'appui de l'égalité de genre et du développement durable, notamment en termes de renouvellement des générations en Afrique francophone de l'Ouest. L'approche transversale genre et génération dans la société numérique africaine est au cœur de préoccupation de l'Association Afrique Créative, je m'excuse, qui coordonne le projet Participation politique des jeunes femmes en Afrique francophone, mis en œuvre au Burkina Faso, Mali, Sénégal et Togo. Bienvenue, Marie-Hélène. Bonjour. Merci. J'ai le plaisir de participer à cette session à l'invitation du CRDI, donc pour parler de ce projet que nous avons démarré depuis le mois de janvier, qui essaye de cerner ce en quoi consiste la participation politique des jeunes femmes en Afrique francophone dans les quatre pays qui ont été mentionnés, le Sénégal, le Mali, le Burkina et le Togo. Dans le cadre de ce projet, nous avons posé la question de départ, à savoir que, bien sûr, les femmes participent très peu à la politique. Pour ce qui est de notre région, on peut dire que les femmes, il y a à peu près 20% de femmes dans les instances politiques institutionnelles. Mais ces femmes ne sont pas jeunes, ce sont des femmes de la génération des aînés. Donc on peut dire que les jeunes femmes participent très peu à la politique. Par contre, si elles n'y participent pas dans les sphères institutionnelles de la politique, on peut se demander où est-ce qu'elles participent et dans les lieux où elles participent, est-ce qu'elles ont des messages ou des contenus de nature politique qu'elles peuvent présenter ou représenter ou revendiquer. Donc l'étude que nous menons essaye de voir, d'une part, quelle est la nature de la participation des jeunes femmes dans la politique institutionnelle, c'est-à-dire les organismes des pouvoirs publics ou les partis politiques. Et d'autre part, où sont les jeunes femmes et qu'est-ce qu'elles y font qui aurait un contenu politique ? Pour ça, nous avons fait converger quatre méthodes de recherche, qui est d'une part l'analyse documentaire de ce qui existe aussi bien au plan international que dans les pays. Ensuite, une analyse quantitative par questionnaire. Ensuite, une analyse qualitative par entretien semi-directif. Et enfin, une collecte iconographique qui voudrait illustrer quelle est la représentation que l'on peut se faire de la participation politique des jeunes femmes. Ici, qui circule sur le mur, vous voyez actuellement quelques photos en provenance du Togo, qui est ce que l'équipe de recherche du Togo nous a envoyé pour illustrer comment ils voient la participation politique des jeunes femmes. Je m'arrête là. Okay. Omeima Sheikh Eldin Gabriel is currently working as an assistant professor at the Institute of Women, Gender and Development Studies at Afad University for Women in Khartoum, Sudan. And she teaches in the master's level program on the following subjects: on women human rights in Africa and the Middle East, on conflict prevention and management, so women in conflicts in Africa, and gender in media. And involved in research projects, workshops, conferences related to also internally displaced people in Africa and in Sudan especially, and working on reproductive health, national migration from a gender perspective. She has a PhD from the Department of Social Anthropology at the University of Granada and is currently an integral part of the research team. Welcome. Buenas tardes. Me vais a permitir que voy a hablar en español porque es muy fácil para mí hablar en español. Es incluso más fácil que hablar en árabe. Bueno, quería dar las gracias, por supuesto, al IDRC y de manera especial a mi amiga Eileen por su implicación personal y por ser ella misma y por tenernos en cuenta en este proyecto. Voy a dar, antes de empezar el tema, voy a dar una pequeña panorámica sobre el país, sobre Sudán. Yo cuando participaba en congresos, me gustaba mucho decir, Sudán es el país más grande de África. Pero dentro de 3 días ya no vamos a poder decir lo mismo, porque el país se parte en dos, como resultado de una guerra de 22 años. Es la guerra más vieja y más larga del continente africano. El país es un cúmulo, una diversidad étnica, religiosa, cultural, política y lingüística. Y eso, desgraciadamente, no ha llevado a una buena convivencia entre lo que es el norte, considerado norte árabe musulmán, y el sur, que es más de características del África negra, animista cristiana. Desgraciadamente, y para nuestra gran pena, vamos a perder esta gran importante parte del país, un tercio del país que se nos va dentro de nada. Y de todas formas, pedimos y deseamos que sea una separación pacífica y para la buena vecindad de los dos países. El tema de la participación de la mujer política en Sudán, como dice Eileen, hay mucha literatura sobre el tema, pero faltan muchos elementos, falta profundidad, falta metodología y falta buen análisis. Y yo espero que con el proyecto de investigación que tenemos con el IDRC llegamos a cumplir o a rellenar este vacío. La gran diferencia entre el norte y sur en todos los aspectos hace que la participación o que el estatus político, jurídico, legal y cultural de la mujer del norte es muy diferente al sur. El movimiento de las mujeres en Sudán empezó allá por los años 40, antes de la independencia, en tiempos de la colonización anglosajona, anglo-egipcia, y fue en 1951 cuando se formó formalmente el movimiento de mujeres sudanesas. El movimiento ha tenido unos grandes logros comparado por el momento histórico y comparado con lo que hay ahora mismo. En primer lugar, este movimiento ha reivindicado tres elementos importantes, que es el salario igual para el trabajo igual. Y se ha conseguido hasta un cierto punto aquello. Otra reivindicación fue la igualdad en educación. La educación, la universidad donde yo trabajo, la Universidad de La Fat, se fundó en 1903 y fue una de las primeras universidades, digamos, de Sudán y del África casi, que reivindicó el derecho a la educación a las niñas. Y la tercera reivindicación es la participación política de la mujer. Y yo considero que por entonces estos logros han sido bastante importantes y han dado lugar al gran avance de la situación de la mujer. Después fue la época de Numeiri en 1969 con el golpe de Estado. Bueno, Sudán desde la independencia en 1956 hasta la actualidad hemos experimentado varios golpes de Estados y regímenes dictatoriales, militares, etc. Hemos tenido dos experiencias cortísimas de democracia, una en el 64 y otra en el 1986, con el 85, con la intifada contra el general Numeiri por entonces. Entonces, con la época de Numeiri también formó un importante grupo, organización de mujeres que se llama la Unión de Mujeres Socialistas de Sudán. Entonces trabajaron paralelamente con la Asociación de la Unión de Mujeres del cual hablé antes, que se formó en el 1951. Esos dos movimientos se caracterizaban por ser movimientos elitistas, urbanas, de clase media. No llegaron a tener sus efectos en las zonas periféricas del país, tanto el sur como el oeste, como la zona este, es donde ahora mismo hay grandes conflictos y pensamos que el trabajo de las mujeres de esos dos movimientos se quedó muy corto por no llegar a esas zonas y por lo tanto llevó a la situación actual que está pasando el país. Con la llegada de 1989 del régimen actual, un régimen militar islamista liado por el presidente Omar Hassan al-Bashir, este movimiento tiene la inteligencia de que, por un lado, ha adoptado mucho del discurso de izquierda o del discurso de esas mujeres, de esos grupos de mujeres. Por lo tanto, en esa época, las mujeres islamistas, las hermanas musulmanes, o hay muchos grupos de los grupos fundamentalistas de mujeres, aparentemente no se les prohibía ni trabajar, ni estudiar, ni salir, ni participar fuera de la casa. Pero el problema es que esos derechos estaban limitados a este grupo de mujeres, a esa filiación concreta del gobierno de Omar al-Bashir. Esa situación ha llevado a que, por un lado, la situación de las mujeres del sur a raíz de la guerra, esta zona siempre ha sido subdesarrollada por los sucesivos gobiernos y con la llegada del régimen del Bashir, menos desarrollada todavía, porque estaban pagando las consecuencias de un conflicto bélico que ha llevado al país, al nuevo estado, que va a ser el nuevo estado, a donde están. Entonces, este país tiene que empezar desde cero, pero yo personalmente pienso que ellos van a empezar bien y lo están haciendo bien porque tienen una constitución maravillosa y porque van a empezar, por lo menos, alejándose de la problemática del norte. Porque resulta que la situación de la mujer en el norte es una de las situaciones más contradictorias para mí en el mundo, porque a pesar de ser las mujeres del norte con mucho poderío y han logrado muchos derechos y han conquistado muchos terrenos políticos, pero a la vez están bajo el yugo de un régimen militar fundamentalista, donde sus derechos están cada vez más limitados, eso por un lado. Y por otro lado, Sudán, el movimiento de las mujeres en Sudán o la educación de las mujeres del norte de Sudán ha llevado a que haya muchas médicas, profesoras, mujeres implicadas en la política y en la actualidad muchas, muchas mujeres trabajando en el terreno de la sociedad civil y de las ONGs, trabajando en miles de aspectos relacionados con la mujer. Pero a la vez, las sudanesas pasan una de las discriminaciones y violencia de género más grave del planeta, como son las prácticas de las mutilaciones genitales, donde Sudán es, por la proporción del país, es donde más se practica y donde se practica las prácticas más severas, digamos. Entonces, ahí tenemos un problema de salud reproductiva y sexual muy importante y donde el gobierno directamente se niega a que se hable del tema. O sea, está prohibido hablar en los medios de comunicación oficiales de ese tema. Y luego tenemos la problemática de las mujeres de Darfur. Ustedes habrán escuchado mucho. Darfur es uno de los problemas humanitarios más graves del planeta y donde las mujeres están pasando barbaridades como a consecuencia de un conflicto bélico, como son las violaciones, etc. Y yo creo que yo pararía aquí para tener espacio para el debate. Gracias. Just before I turn to Jane, just for 1 minute, I was wondering if I could ask Marie-Hélène just to lay out a little bit about the four countries that she's also studying, a little bit what is going on for women in these four countries of West Africa. Merci. Donc, il s'agit de quatre pays distincts, donc qui ont chacun leur spécificité. Mais en fait, on peut dire qu'ils appartiennent tous à un même écosystème culturel qui est marqué par la présence du Sahel, excepté peut-être le Togo qui fait plus partie du golfe de Guinée. De ce fait, il y a une assez grande homogénéité des situations, notamment en ce qui concerne la situation des femmes et des jeunes femmes, qui est très, très marquée par l'appartenance à une civilisation, très marquée par la tradition, la vie en communauté et la prescription des rôles de genre, en particulier pour les femmes et pour les jeunes femmes, avec des processus de socialisation qui sont encore très prégnants. Ceci dit, au niveau de l'histoire, on peut aussi remarquer, de l'histoire politique, ce sont tous des pays qui ont été indépendants après les années 1960 et qui ont été marqués par la traite de l'esclavage, par la colonisation, par la post-indépendance. Et à cette époque, il y a eu toute une philosophie internationale du développement qui a du développement notamment en Afrique avec des idéologies par exemple panafricaines qui a produit toute une façon de penser qui a rassemblé les États avec un certain idéal. qui concernait surtout les hommes d'ailleurs. Pour ensuite, au moment des années 1974-1975, il y a eu la première intégration de l'Afrique dans l'économie néolibérale qui était en train de s'installer, notamment avec les plans d'ajustement structurel, où on a vu différents retraits des pouvoirs publics, le désinvestissement des pouvoirs publics dans certains domaines très importants pour les femmes, par exemple la scolarisation, la santé, l'appui à l'économie vivrière, ce qui fait que les femmes ont commencé à être vraiment touchées par les mauvais côtés de l'économie moderne. Dans les années 1990, il y a eu toute une nouvelle vague d'instructions politiques données au plan international, notamment par les grands organismes internationaux qui aidaient le développement, qui voulaient que ces pays doivent commencer à s'orienter vers des processus de démocratisation. Cela a incité à des avancées politiques certaines dans lesquelles les jeunes d'une part et les jeunes femmes en particulier n'ont pas été tellement impliquées. Donc on peut dire que ce processus de démocratisation a été plus ou moins confisqué par les personnes âgées, en particulier les hommes. Ce qui fait que les jeunes se sont sentis un peu mis à l'écart et sont devenus assez violents parfois. Ce sont eux qui ont porté la contestation violente au niveau citoyen, en particulier toujours les hommes, parce que la question de la citoyenneté est très connotée du point de vue du genre. Pour ce qui est maintenant de l'entrée de ces pays dans la civilisation mondiale, si je peux parler ainsi, on remarque que Internet et les nouvelles technologies sont arrivées au début des années 2000 et se sont répandues comme une traînée de poudre. Actuellement, on peut penser que presque, je dirais 100% des jeunes dans les milieux urbains ont accès aux nouvelles technologies, en particulier la téléphonie mobile, mais aussi pas mal Internet. Au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux basé sur Internet, on ne sait pas encore. Je pense que la recherche va donner un peu plus d'éclairage là-dessus, parce qu'à mon idée, il n'y a jamais eu de travail de recherche qui a été fait sur cette question, sur la manière dont les jeunes utilisent les réseaux sociaux basés sur l'Internet, y compris en termes de différence de genre. Nous avons déjà fait une étude quand même qui essaye d'approcher, de mettre en place une méthodologie pour appréhender les différences de genre dans l'appropriation des TIC et qui a bien mis en relief que les jeunes étaient en première ligne. Mais par contre, que l'utilisation des TIC était beaucoup plus, par les jeunes, était relativement extravertie. À savoir que si les jeunes garçons, enfin à l'époque on faisait la recherche, c'était au moment des cybercafés, c'est quelque chose qui est un peu disparu maintenant, si les jeunes garçons fréquentaient beaucoup les cybercafés, c'était surtout pour se former ou pour pouvoir émigrer. Alors que si les jeunes femmes fréquentaient les cybercafés, c'était beaucoup plus dans l'espoir de trouver un mari, et si possible un mari étranger occidental. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci, Marie-Hélène. I'd like to also introduce you to Jane Parpart, who is a visiting professor and the graduate coordinator of the Institute for Gender and Development Studies at the University of West Indies in St. Augustine in Trinidad and Tobago. And she has been particularly interested in critical approaches to women's empowerment and the possibilities of gender mainstreaming as a vehicle for gender transformation. Recently, she's been focusing on gender, masculinity, and conflict, as well as the issue of silence, voice, and agency in conflict situations. And she's part of the team that's looking at women's agency in the Caribbean. Jane, and I think what we can do is either you can sit where you are, if you like, or you can use the mic, the podium. I think people find it easier to see you. Yeah. Thank you very much. I've had 4 very exciting years in working at the University of West Indies in Trinidad, where I've had the privilege of working with graduate students in the Institute for Gender and Development Studies. And so it's been a very enriching and exciting experience. Most of my own research is based in Southern Africa, so that it's also held interesting comparisons in my own thinking. The thing, just to give you a little bit of a picture of the Caribbean, I have some figures here. It's a region that has firstly, I'm talking not about a country but a region. I'm talking about the Anglo-Caribbean, which includes countries such as Jamaica, Guyana, Trinidad, Barbados, and many little islands like St. Lucia and Grenada and Dominica. And so it's a region held together by a common use of English and a common experience of the British colonial rule, which for the most part ended in the 60s. It's an arena with a great deal of diversity. The Caribbean is, I think, one of the most globalized parts of the world. Since 1400s, there have been people from all over the world tromping through that region, and you have many people. I have a friend, for instance, who has African, Chinese, Scottish, Sephardic Jew, and Indian blood all in himself. There are many people who are walking global citizens, you know, just from a biological point of view. It is a region that has had an enormous amount of movement, a great many people moving back and forth, particularly between the Caribbean and North America. They are the earliest transnational citizens. I can't tell you the number of people that I've met in Trinidad who are also Canadian or also American or also UK. People having 2 and 3 passports is routine. And it's not just the middle classes. It goes down to every level. So it's a very interesting area for thinking about global processes. It's also an arena that I think has experienced a high degree of improvement in women's access to education. And in fact, for instance, the University of the West Indies in Jamaica, 80% of the student body is female. Where I teach is about 70%. So there is an increasing number of women accessing higher education. And this has meant many more women moving into professional jobs. And it is part of the reason that the Gender-Related Development Index ranks, for instance, Barbados as 29, Trinidad and Tobago as number 48, Jamaica and Guyana, who have suffered a lot of more economic problems, at number 75 and 79. And so the region also, while many countries are very, are predominantly Afro-Caribbean, for instance, in Guyana and in Trinidad, you have about almost half the population is Indo-Guyanese and Indo-Trinidadian coming in from the Indians coming in as indentured labor when Africans were freed, when the slaves were freed in the 1830s. So that is an enormous amount of diversity. Just to give you a little bit of a feel for the kind of the gendered nature of the political experience in some of these key countries. In Barbados, for instance, in 2009, 14% of parliament are women. Dominica, 19%. Guyana, 30%, because they have a quota. And Trinidad and Tobago, 33%. In terms of quotas, only Guyana has a quota. Of these countries, national gender policy, Dominica is the one that has one. Trinidad and Tobago put forward a national gender policy in about 2004, and it was very progressive. It called for the reproductive rights and sexual rights, and the policy was feted, and everyone was very excited. It was written by my institute, but then members of the Catholic Church and some of the other religious groups and various people started saying, reproductive rights, you mean abortion? No, no, that's not possible. So, and of course, homophobia is very widespread in the Caribbean, as in many other parts of the world, and so it is, that policy has never made it. It is sitting, it's now a green paper with a revised version that has the first sentence is, we do not support reproductive rights or sexual rights, period. And then it goes on to have a watered-down version. But there is a very strong women's movement in the Caribbean, and there are there are many forces at play that are trying to improve the situation of women in the region, especially among the Anglo-Caribbean. Now, the project is entitled Politics, Power, and Gender Justice in the Anglophone Caribbean. And basically, the research examines four strategies to promote democratic governance, women's rights, and gender equality. First, women's political leadership is explored for the extent to which it creates greater governmental will and capacity to more actively and effectively transform gender relations, both within and outside the state. And because Trinidad now has, as of last, a year ago, May 24th, a woman prime minister, that case is going to focus on the Trinidad case with a view, a comparative view for the whole Caribbean or the whole Anglo-speaking Anglophone Caribbean. Second, the quota systems are seen as a well-known strategy that we wanted to look at. And the quota systems are assessed for their impact on effective women's participation and leadership in representative government. The only quota system in existence in the Anglophone Caribbean is in Guyana. There are many Spanish-speaking countries in Southern Africa, I mean Southern America, South America, and Central America that have the quota system, but we have the only one in the Anglophone Caribbean is in Guyana, so that's going to be a case we look at. Third, we're interested in the usefulness of national gender policy documents for promoting gender equality. And that for that, we're going to look at the Dominica case, because Dominica passed a couple of years ago a national gender policy, and there are actually several more, and there's a couple under construction right now. In Jamaica and the British Virgin Islands are both in the middle of setting up a national gender policy. And then finally, we're interested in the issue of advocacy. And there is a an advocacy... have I got the title of it here? It's called SeaWill, which I don't have it on me, but the it's basically run out of the University of the West Indies in Jamaica, and it's bringing together political activists in summer courses to try and see if there's a way that we can both strengthen advocacy and also evaluate what makes advocacy work and when it works and when it does not. Now, the underlying philosophical position that we take with this project is the belief that we must understand both structures and how they affect possibilities for transformation in terms of gender equality and access to democratic processes. But also, we believe that you must understand the cultural context and the gendered assumptions that exist in a particular society and how those affect the way in which even the best laid plans do or do not work to effect transformation of gender relations and gendered sensitivity in political processes. So because of this, we're carrying out the four case studies, the case study on political participation, the one on quotas, the one on national gender policies, and the one on advocacy. And the first tier of the research is going to have, and this research, we're just in the middle of identifying the researchers, so I don't have findings, but hopefully in 2 years we'll have findings. Right now, we're in the process of trying to define and find the right people to do the research. But so the first year is going to be spent in exploring the background, the kind of getting basically a review of the experiences in the Anglo-Caribbean in as a whole, as well as the particular case that we're looking at in terms of what has happened, what is the literature, what is the research, interviewing key people, and trying to really develop, in other words, a knowledge of what has happened so far and what is the thinking about it and how does it intersect with broader debates around issues around gender transformation and political processes. But then because of our concern with the way in which particular cultural, social, political, economic contexts influence gendered processes, we are having a second tier in the second year of ethnographers who will carry out in-depth ethnographic research, trying to look at the way in which people in the political process in Trinidad, how the quota system, the national gender policy, and the CWIL advocacy process, trying to look at the nitty-gritty of the way in which the contexts affect the process itself. Because we all know that there are many, many wonderful policies lying around trying that claim to be changing and making gender equality and gendered access to political processes real. But we also know that these have often been completely stymied and basically reduced to just paper, to empty phrases, to policies that never go anywhere, because the political arena is a very masculinist place. And it's subtly and powerfully in opposition to genuine transformation and genuine gender equality. And so our belief is that there is no use in just looking at structural issues such as women, are there women in politics? Is there a quota system? Is there a policy that supports what we want to, and are there advocates getting support? We also believe that we have to know a lot more about how individuals in those realms operate, whether they can operate, what they have to do in order to make change work on the ground. So that's the two-leveled approach we're taking. We hope in 2 years we'll have some very interesting and exciting findings. Right now, all I can say is that we're excited that we think we have a good research plan. We have an exciting topic. We have very good case studies that I think will reveal a lot. And hopefully in 2 years I'll be able to come up and tell you some really exciting stuff. Thanks. Thanks, Jane. I want to throw a question back at you right away, and that is, it sounds like that the Caribbean, from the way you've described it, has actually got a very strong women's movement there and has made a lot of gains. You've got a prime minister in Trinidad who's female, and you know, obviously that is a huge gain right off the top. I'm just wondering then, so is the Caribbean, the Anglophone Caribbean in this respect, considered a success story that could be possibly a model for other regions, or what are some of the continuing pervasive problems that women are facing that make it so necessary to continue to deepen the research in this area? Well, is this on? Is this on, or should I? If it's not, you can. What do you do to turn it on? I think there's a magic person. Okay. Yeah. Can you hear me? I think this is on too. But we have a number of issues. We do have, for instance, like we have a woman prime minister, but she's still very much trapped in still a very masculine world. Most of the people working around her are men, not women. And this isn't necessarily bad, but I mean there are ways in which. For instance, she shifted the gender affairs unit into the Ministry of Planning and Policy. So from being part of the Ministry of, you know, the social development, handicapped, youth, and every other category that gets put in the in the leftover categories. And so, but then she assigned a woman as the head of this, and so we were all very excited and very and really thought this would go forward in a meaningful way. But it turned out that the woman in charge didn't know anything about gender, and because she's a woman, thought she did, and proposed some very unrealistic ideas, such as having a public discussion on homophobia and seeing if she could change attitudes on that in a society that where this is deeply embedded, particularly in religious institutions, and it was obviously a completely unrealistic way to go forward. Every feminist in the country knew that, but she thought she knew better. So that's a problem. But I think more importantly, we have a lot of young women who are getting educated, getting jobs, and in a world where the young men are finding are often disillusioned by school, we have the drug trade providing an alternative way of making money for young men. It's risky, it's masculine, it's coded masculine, it's a very popular way for the less educated young men to make money. There's a kind of a gangster chic bling that many people find that has become very sexy, and a lot of young women are attracted by this, so that a lot of the young men go into crime in order to have what one of my colleagues calls the three C's: cars, cell phones, and cash. That's what you need to get the ladies interested in you, and the drug trade and crime is the fastest way to do it. And we also have unfortunately dramatic increase in the last few years of gender-based violence. We have now Trinidad, I'm talking about Trinidad, has overreached Jamaica in terms of the murder rate. We have a murder rate, we have 1.3 million people, and last year 560 people were murdered. I think they catch about 2% of them, and most of them get off anyway. So that there's a very much of a there's a high amount of gender-based violence in the last few weeks. There were quite a number of women there were like four women who were doused with gasoline and lit on fire by husbands and relatives. So that it seems like as women advance, and I think this is something we have to think about around the world, as women are advancing, we're getting more access, we're becoming more independent, we're also threatening a lot of male beliefs that at least they're not a woman. And that they're somehow that they need to be the powerful one, that they're supposed to be the in charge. And when the woman is able to say, look, I don't like you anymore, I have an income, I'm going to go, you just take off, that leads often to terrible results. And everywhere, but we have a kind of higher degree of that. And we also still have, despite women's increasing professionalization and their increasing access to education, there's still a dramatic gap between the amount of money earned by males and females. Like in Jamaica, it's $8,000 for males and $3,500 for females. So there's a big gender gap. So there are a number of real issues that are increasingly preoccupying a very powerful feminist community. And I think that's one of the reasons that Caribbean is so interesting, is because it has a powerful feminist community, but it also, just because they do, doesn't mean that gender equality is, reigns. So that the challenges are still very great, but there is a very impressive number of women who are supporting the feminist movement. Yeah. Thanks, Jane. A question for Omema and for Marie-Hélène is, why youth or why young women as a particular focus for your study? And how are you defining young women in this case? How are you going about that definition? Is it a defined sort of definition as per UN documents that we've seen, or are you looking at something different? What makes it special to be focusing in on young women in these cases? Maybe I can start with Marie-Hélène. Okay. Merci. Pour nous, les jeunes femmes, c'est une question de développement durable. C'est comme ça que nous l'avons vu. Dans toutes les politiques de développement, on parle de développement durable. Et on ne peut pas parler du développement durable si on ne se penche pas sur les nouvelles générations. C'est pas seulement le renouvellement. Voilà. C'est pas seulement le renouvellement des ressources naturelles qui consiste le développement durable. C'est le renouvellement des espèces humaines et qui sont produites d'ailleurs par les femmes avec le concours des hommes. Donc c'est une question d'avenir, de durabilité de nous-mêmes. La manière dont nous les définissons, et je ne sais pas ailleurs dans le monde comment ça se passe, mais en Afrique, il y a des débats et des débats sempiternels sur qu'est-ce que c'est qu'être un jeune, quand est-ce qu'on est jeune, quand est-ce qu'on ne l'est plus, etc. Et pour dépasser cette question, nous nous sommes alignés sur la déclaration sur la jeunesse qui a été produite par l'Union africaine, qui définit les jeunes comme les personnes de 15 à 35 ans. Mais pour les besoins de notre recherche, nous avons réduit aux personnes de 18 à 35 ans pour éliminer les mineurs, parce que ça pose des problèmes particuliers quand on fait des recherches. Pourquoi c'est important pour nous? C'est parce que c'est les jeunes qui, ce sont les jeunes, y compris les jeunes femmes, qui sont en train de nous donner des perspectives positives sur ce qui pourrait advenir, sur ce qui pourrait être fait, notamment en matière de créativité. Une des choses un peu disconvenantes, si je peux dire, qui se passe dans les sociétés africaines, c'est le poids de la tradition qui a longtemps été revendiquée comme explication, voire excuse au fait qu'on est des victimes. On a été des victimes de tas de choses en Afrique. Et à force, on ne fait plus rien. Par contre, quand on parle des jeunes, y compris des jeunes femmes, on peut voir qu'il y a de tas de nouveaux domaines qu'ils ont explorés ou qu'elles ont explorés en matière d'expression, d'expression des possibles, d'expression des désirs, de choses auxquelles on n'a jamais pensé et qui sont totalement ailleurs que dans ce débat sur la tradition et la modernité. Bien évidemment, ça comprend toute l'utilisation des nouvelles technologies, tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est cette dimension de la créativité, c'est pour ça que nous avons appelé notre association Afrique Créative. C'est parce que c'est un nouvel essor qui est possible. Bueno, yo tengo varios elementos para por qué los jóvenes. En primer lugar, estamos presenciando una juventud que ha tenido la educación en tiempos de Lingaz. Lingaz en árabe quiere decir salvación. Y el gobierno actual se llama el gobierno de Lingaz, el gobierno de la salvación. Entonces tenemos los jóvenes del Lingaz y la verdad que es un fenómeno preocupantísimo. Porque resulta que la preocupación de los jóvenes y las chicas jóvenes sobre todo no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia del país. Estamos ante una juventud perdida, confundida, no tiene información, no tiene formación para poder ser el motor de un cambio. Por otro lado, tenemos una cantidad tremenda de universidades privadas. El nivel de la educación ha bajado muchísimo, muchísimo en Sudán. Entonces ahora tenemos miles de universidades, pero realmente no valen para nada. Y además muy caras. Entonces, ¿qué tipo de educación le estamos dando a esos jóvenes? Sobre todo a las niñas. Y sobre todo a mí profesionalmente lo que me preocupa es las preocupaciones o las inspiraciones de las chicas jóvenes. Universitarias o no, resulta que su única preocupación, y eso lo digo en serio, es llegar a una cierta edad, terminar la carrera y casarse. y casarse con el hombre rico. O sea, ella hablaba de los tres CCs. Eso es común. Entonces, hay que tener en cuenta la cantidad de esas mujeres jóvenes que... ¿cómo implicarlas o cómo engancharles en la participación política? Y por ahí también tenemos una especie de vacío, un vacío intergeneracional, porque resulta que la gente de la edad de 40, 50 años han tenido mucho más huella en la vida política de Sudán, y las jóvenes de hoy tenemos a las niñas que se preocupan por embellecerse y buscar el novio rico. Y los chicos tenemos unos fenómenos bastante nuevos, que es el consumo altísimo de alcohol y marihuana. Un país conservador, musulmán, pero para eso dejan la mano libre para que los jóvenes estén adormecidos. Pero tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos un grupo de jóvenes muy, muy recientes, no llevan más de 2 años, y curiosamente esos jóvenes han empezado antes de todas esas revueltas o la llamada primavera árabe, ¿no? Un grupo que yo admiro muchísimo, que se llama Grifna, que quiere decir estamos hartos. Otro grupo que se llama Jóvenes por el Cambio. Y otro grupo que se llaman La Chispa. Entonces, esos tres grupos están organizados y coordinadísimos entre ellos. Por cierto, esos grupos nosotros en nuestro research no los podemos incluir porque no están registrados como partidos políticos. Pero son grupos que están teniendo mucha importancia en difundir nuevas ideas y en ser una amenaza seria para el gobierno actual. Por supuesto que están oprimidísimos, perseguidísimos y con muchos problemas para poder llevar a cabo su política. Pero esos grupos, su estrategia, su manera de trabajar, es ponerse en el zoco, en el medio del mercado, y coger un micrófono, y a lo mejor hay 3 o 4 de ellos, están alrededor y empiezan a hablar en público sobre la situación, a concienciar a la gente. Simplemente le habla a la gente sobre lo que es los precios, la subida de los precios, la crisis económica que está pasando en el país es tremenda. Entonces, simplemente les hablan de los precios. Daros cuenta lo que son los ingresos y los gastos. Entonces, empieza a venir gente, 2 personas, 5, 10, 100, y por supuesto que de repente aparecen 50 carros de policía y los llevan y los torturan, y ha habido violaciones, y ha habido torturas para ellos, pero ellos siguen ahí. Y por supuesto, haciendo uso de en los medios de comunicación, el Facebook, el Twitter, etc. Pero luego también tenemos otra juventud que no mencionamos y que para nosotros no existe, que son los millones de jóvenes, hombres, chicos y chicas, y los campos de refugiados que vienen de Darfur y que vienen del sur. Y esos no cuentan, no están en las estadísticas, no están en los planes del gobierno. Y estos, ahora mismo, el último mes, ha habido matanzas colectivas, les han envenenado en la calle, porque hay muchos de ellos que los que snifan el... Entonces, hace una semana ha matado a 20 de ellos, sabemos que son las fuerzas armadas del gobierno, que los han matado, porque tienen mucho miedo que si hay una revuelta popular, esos van a ser los primeros que van a estar en el... Y además es una manera de limpiar la ciudad de la cara no árabe. Respecto a la edad, nosotros en el research estamos hablando de la edad entre 18 y 25 años, yo ahí no entro. Y bueno, pues hemos elegido esta edad pues, porque estamos trabajando con los jóvenes universitarios. Pero también a la vez tengo que decir que hay muchas asociaciones por base regional. La Asociación de Estudiantes de Darfur, Asociación de Estudiantes de Kordofán, Asociación de Estudiantes de diferentes zonas del país, y están trabajando mucho, pero también están siendo manipulados y controlados por el régimen del Bashir. I'd like to encourage you to move to the microphone if you have questions that you'd like to ask the panelists. I'm going to ask one while I see if anybody does have questions. And that is just to start it off and maybe a brief answer from each of you. Of what do you think are the incentives for women to become politically engaged or more active? We obviously know there's a lot of disincentive. There's a lot of problems that women face when they do try to get engaged politically, whether it's lack of funds or being oppressed or in many, many ways. But what do you think are the incentives for women in each of your contexts, very different contexts, to actually engage politically? Jane, did you want to say something? I'll start out on this just to say that I think that many of the issues raised by the other speakers about a very different part of the world were very reminiscent of what we're seeing, that there is a lot of people who are seem to be caught up in the consumer game of, you know, how can they make it rich, including how can they find the right husband with enough money and how much, so that there is a lot of preoccupation with social media, with glamour, with consumption. But there also is an increasing number of people concerned with political issues. And in Trinidad, I'll talk about the place I know best. In Trinidad, I think that one of the things that is bringing young women into political activism, one is if they come to the university and they take... We have a wonderful introductory class in women's studies. It has a very big number of people, and they do activist. They go out and lobby and do, stage gender-based violence, little playlets and everything. They go all over the place doing activist work, and they make an impact on the campus, and they see that this makes a difference. And I think that is affecting and drawing in people. But there are also a lot of people who are seeing the social problems and I think that's one of the things that draws young people into activism, is that they happen to have a friend who gets beaten up or someone who gets murdered or someone who gets into crime, and they see their life, you know, falling away. And people see their community in trouble. And I notice that a lot of people come to activism through trying to engage with an issue that affects themselves and their own lives and their communities and the people they know. And then out of that, they begin to see a bigger picture and begin to become more involved in bigger political issues. La verdad, en el caso específico de Sudán, yo creo que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, no tienen ningún tipo de incentivos. Lo que pasa es que están hartos. Y están intentando hacer política a su manera, pero tienen las puertas cerradas por todos los lados. Tienen, por ejemplo, una mujer en el contexto familiar o en lo que es la cultura, una mujer metida en política es como una prostituta. O sea, la familia lo ve, lo vive así. Yo tengo mis estudiantes en la universidad. Y cuando salen en manifestaciones, tienen primero miedo de sus padres y de sus hermanos, y luego miedo de la policía también. Porque ser implicada en la política es una cosa de hombres. Las mujeres en general, para estar incentivadas para participar en la política, pues tienen que contar con ayudas, con fondos, con ayudas de organismos internacionales, la ONU, la UNDP, la UNIFEM, etc. Y la verdad que tengo que contar una anécdota que a nosotros los sudaneses nos duele mucho. El año pasado, en abril del 2010, cuando hubo elecciones, que era una oportunidad única para un cambio en gobierno, el gobierno de Sudán ha hecho todo lo posible, ha hecho todos los juegos y todas las malabares posibles para hacerse con esas elecciones, para que el resultado sea 99.9% del gobierno del Bashir. La comunidad internacional, el Centro Carter y la ONU y la Unión Europea no han movido dedo viendo cómo estaban viendo las elecciones. Y desagradecidamente las Los partidos políticos, 3 días antes de las elecciones, han boicoteado las elecciones y se han retirado. Entonces, el gobierno ha sido el único que se ha presentado, se ha votado y ha ganado. Pero las mujeres, sobre todo, nos hemos opuesto a que los partidos políticos se retiren. Y también hemos necesitado la ayuda de la comunidad internacional, no la hemos tenido en ese momento. Y luego, en el momento actual, a raíz de lo que ha pasado en Egipto, en Túnez y sobre todo en Libia, pues el gobierno sudanés está muy nervioso lo que puede pasar en Sudán. Pero los mismos sudaneses nos preguntamos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está faltando? Se nos ha ido medio país. La subida de los precios es tremenda. El agobio, sobre todo la represión hacia las mujeres por las nuevas leyes y el endurecimiento de las leyes islámicas, está cada vez peor y no estamos moviendo dedo. Yo creo que hay un gran miedo por todas las represalias que vienen, porque hay varios intentos el 8 de marzo, otras veces, que las mujeres intentaron salir y a lo mejor se han convocado 200 mujeres y antes de empezar la manifestación ya había 200 carros de policías ahí esperándoles y ha habido torturas y detenciones, etcétera. Oui, pour répondre à votre question, je crois qu'il ne peut pas y avoir de réponse immédiate tant qu'on n'a pas fait un certain travail d'éclaircissement que j'espère que notre projet va arriver à apporter des contributions. À savoir, pour ce qui est par exemple de l'Afrique de l'Ouest francophone, il est certain que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes, sont encore très attachés à leur communauté. Il y a un lien très fort, un lien communautaire très fort qui existe de manière générale en Afrique francophone, mais chez les jeunes aussi. Ils se sentent les enfants de leurs parents, si on peut dire. Pour savoir ce qui les motive, il est sûr qu'il faut savoir comment les jeunes femmes se situent par rapport à leur communauté, à ce qui est la communauté, à ce qui est la citoyenneté, à ce qui est le politique. Et donc, par exemple, au Sénégal, nous avons une formule qui est que la politique et le politique, ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, au Sénégal, quand on demande à quelqu'un « c'est quoi la politique ?», il te répond tout de suite « c'est la politique politicienne ». C'est-à-dire, c'est un des aspects de la gestion des relations interindividuelles qui est comment conquérir le pouvoir et comment s'y maintenir. Et ça, c'est la politique telle que, en général, les gens le comprennent. Et ça, c'est ce qui est donc appelé là-bas la politique politicienne. Mais le politique, ce qui est politique, c'est quelque chose de totalement différent. Ce qui est politique, à l'origine, c'est la manière dont on perçoit, dont on organise et dont on gère les relations entre les personnes qui font la communauté. Et donc de reconnaître que les jeunes femmes, tout autant que les jeunes hommes, tout autant que les femmes âgées et les hommes âgés, participent ou ne participent pas d'ailleurs de la communauté, c'est l'organisation de la politique, du politique. Et là, ça ne revient plus à des questions de comment dominer, comment conquérir le pouvoir et le garder, c'est quelles valeurs entendons-nous vivre ensemble ? Et sur ce plan-là, je pense que les communautés ouest-africaines sont déjà solidement armées de par leur tradition. Le seul problème est qu'à cause de l'agression néolibérale, ces traditions sont en train de s'évaporer, en particulier dans les villes, comme un nuage au soleil. Donc, il faut essayer de remettre en question ce qui est le sens politique, d'essayer d'éclairer ce qui est le sens politique, plutôt que ce qui est l'institutionnel du politique. C'est pour ça que parmi les mesures incitatives du style les quotas ou la parité, au Sénégal, on a même récemment voté une loi sur la parité. Sur ce plan-là, on peut estimer que tout est beau sur le papier. Dans la réalité, bon, la loi est encore très nouvelle et puis on se demande encore comment ça va se passer, notamment aux plus hautes instances de l'État, telles qu'on a pu le voir assez récemment avec les événements qui se sont passés au Sénégal. Tout n'est pas encore joué. Mais de toute façon, ce n'est pas tout d'apporter 25% ou 30% ou 50% de femmes dans les parlements. Les femmes ne savent même pas comment marche un parlement. Au Sénégal, il y a, par exemple, un collectif des femmes parlementaires. Et quand vous essayez de les approcher pour faire avec elles des actions un peu progressistes pour les droits des femmes sur certaines questions, on n'irait même pas penser à l'avortement, mais même les mutilations génitales féminines, la réponse qu'on reçoit, c'est que, mais nous, on ne sait encore même pas comment marche le budget parlementaire. On ne sait pas comment il faut poser des questions. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait même pas comment fonctionnent ces outils. Donc, comment est-ce qu'on peut faire plus dans l'état actuel des choses? C'est pour ça que nous, dans le projet, on voudrait mettre beaucoup d'accent pour essayer de mettre la lumière sur ce que disent les femmes sur le politique, sur la valeur politique. Et quand on essaye, par exemple, de faire l'analyse du contenu de ce que contiennent les slams ou les raps ou les formes d'expression nouvelles des jeunes filles, on s'aperçoit qu'elles ont des visions beaucoup plus vastes, beaucoup plus englobantes, qui traitent, par exemple, de la migration, du racisme, du sida, des choses comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas encore répondre. Thank you. We've got some questions, some people waiting to answer. And if you could introduce who you are. And hi. Can you hear me? Yeah? No? Want to make sure Can the microphone works, for the yeah? translation. Okay. My name is Joanne Lortie. I work at the training center of the International Labour Organization based in Italy. And, of course, we're very much concerned with the world of work, how women can be represented in the world of work, but also in the political life. And I would like to hear from you, what are the challenges in terms of, okay, we can get girls into the education system, we hope. I mean, there've been a lot of progress on this one. But what we find is the transition between school to work to political representation, they seem to be dropping off somewhere there, whether they don't pursue their schooling because they get married or they feel pressure from their family. And if in your countries, and I really appreciate the diversity of experience around this table, if you can see mechanisms to deal with that, because we're dealing with cultural perception and also economic issues. So I'd like to hear from if you have any strategies, if you've looked at that also in your studies. Thank you. Thank you. And there was another lady right behind you. I have to ask you if you could go to the microphone because we have the interpretation. I'm sorry, I need to make you go there. But yes, the lady at the microphone. Oh, yes. Hi, my name is Amy Mazur. I'm at Washington State University, and I'm also a co-convener of the Research Network on Gender Politics in the State. And I wanted to say what a pleasure it is to be here to see these fantastic research projects that are taking on board, as the woman who posed the question before, this cultural diversity, and looking at context, and also these exciting research designs that you have, and I'm looking forward to the results. I had two questions that came out of our research project, and a quick plug. Our research project looked at the impact of gender equality machineries on the policy process in the Western world. And if anyone's interested in the project, we have a user's guide. I have some copies here, and I also there are also some down on the table. And one of the things that we found in the Western world was that there was actually there were no regional patterns. There were very few regional patterns. There was actually a diversity within regions. And I think what's really interesting about these research designs is that you're looking at similar regions. So I would ask, I had that question about regional patterns, surtout vu que Marie-Hélène, le projet de Marie-Hélène a montré qu'il y a une homogénéité entre les pays. Donc je suis intéressée à ça. Et puis bien sûr, je suis intéressée par le rôle des gender equality machineries. Did you see that they are present in the process that you're talking about, the effort to promote gender equality, the effort to promote women's participation. And then I'd like to invite people. We are going to be talking about our project tomorrow morning for 3 hours. And if anyone's interested in coming, we're talking about it in terms of whether it can be used as a launching pad for studying women's policy agencies outside of the West. And it's tomorrow for 3 hours, so you won't miss anything, in room number 4165 in this building. So just a couple of plugs and a few questions. Thank you. Sorry. Thank you. I'm going to try to take two more, if that's okay with you, and then we'll come back to the panel. Bueno, solo hablo español. Espero que sí alguien más pueda interpretar. Soy Petronila Bosel, vengo de Guatemala. En primer lugar, quisiera decir que la juventud no somos el futuro, sino el presente. Y entonces, desde ya tenemos que actuar, debemos de involucrarnos en los espacios de participación política y no esperar hasta tener 40 años para participar y pensar y ver y cómo podemos incidir las mujeres en estos espacios. Eso es como primer punto. Lo otro que sí, nosotras como organización de mujeres feministas en Guatemala también trabajamos con la juventud y una de las metodologías que sí nos ha funcionado es hablar a través de los lenguajes que utilizan los jóvenes, las jóvenes para expresarse, es a través de la danza, del teatro, de la música y que desde esos espacios también ellos pueden hacer denuncia política y no solo participar en estas estructuras políticas tradicionales que se vuelven monótonos a las jóvenes y entonces no les interesa. Yo creo que tenemos que utilizar otras herramientas que les llame la atención y entonces ya teniendo la atención de la juventud podemos hablarles entonces de decir, por ejemplo, ¿quién decide sobre mi cuerpo? ¿Para qué es importante participar? Y entonces podemos hablar de varios otros temas, pero debe ser también en el lenguaje de la juventud para que pueda atraerles. Yeah, thank you very much. And just to say that, I'm particularly happy to hear that because two of the projects that we are supporting, one of them in Egypt, is very much focused on looking at theater and looking at engaging with young women through theater. And I think that's a very interesting way. It's not all just the research going in to look at, you know, women as subjects, but women as part of the research, as a very integral piece of the research, researching themselves within the communities. And that's one tool. Another tool, for example, is the use of video. And in Tunisia, for example, they are documenting young women's experiences by having them produce videos and sharing it as part of a research process. And I'm sure there's also many innovative ones that each of the projects that are represented here. So, sorry, go ahead, please, Amanda. Yes, in the program, your research question is framed as whether governance structures are responding to the needs and interests of women. So I'm just interested in how you, across these projects, operationalize governance systems, because I think if we just take Africa, the state is weak and in many cases disintegrated. So what does this participation refer to? Is it participation in the state, in community politics, in more formal politics? I know you're at the beginning of your projects, but I am quite interested to know in how you operationalize this idea of governance structures. Thank you. Thank you. Okay, first I'm going to ask the panelists. Excusez-moi, il y a une dame là mais qui peut pas se déplacer, alors je voudrais lui amener le micro. Si vous permettez. Oh, okay, please. Please go ahead. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Moi je m'appelle Nana, je suis du Mali. Donc je suis très contente d'entendre ici qu'il y a une étude en Afrique de l'Ouest. Et je connais bien le CRDI parce que nous avons entamé une étude avec le CRDI sur la participation de la femme en Afrique de l'Ouest depuis 2006 jusqu'en 2007, mais l'étude n'a pas encore été publiée. Donc je voudrais seulement apporter quelques témoignages par rapport à ce que la dame qui a fait les études en Afrique de l'Ouest vient de dire. Je pense que c'est vrai ce qu'elle a dit, que en Afrique de l'Ouest, nous avons une appartenance écosystème culturel qui fait que nous avons effectivement des points communs. Mais il y a aussi des réalités qui sont un peu spécifiques. Et je pense que dans des études de ce genre, il faut mettre l'accent sur ces réalités. Et je donne l'exemple du Mali. Quand vous prenez la technologie comme un mythe, madame, je regrette, la technologie, ce n'est qu'un outil pour la jeunesse. Et bien avant la technologie, en 91, quand il y a eu la révolution de mars 91 au Mali, contre la dictature, le régime dictatorial, c'était la jeunesse qui était avant. Et c'est des milliers de jeunes qui se sont donné la mort pour que cette démocratie ait le jour. Et après la démocratie, tout ce qu'il y a eu comme action pour la mise en œuvre de cette démocratie, quand il y a eu la conférence nationale, quand il y a eu le premier gouvernement de transition pour la démocratie, la jeunesse avait sa place. Mais qu'est-ce qui a fait après que la jeunesse a pris du recul? Je pense que dans des études de ce genre, il faut mettre l'accent pour qu'on connaisse les réalités des pays. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui n'est pas, par exemple, à ce que vous dites, qui n'est pas ni la technologie, ni le fait que vous dites que quand les filles vont dans les cyber, c'est pour chercher des maris à l'extérieur, madame. Je regrette, les réalités ne sont pas les mêmes. Au Mali, quand les filles vont au cyber, je voudrais savoir que vous me donnez l'exemple par rapport à l'échantillonnage que vous avez pris pour faire ces recherches et par rapport aussi à la situation géographique du Mali. Quels sont les pays que vous avez, les régions que vous avez approchées pour cette étude qui vous permettent vraiment de donner des analyses globales de ce genre? Parce que je regrette vraiment, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. Et donc, je sais qu'il y a d'autres facteurs très déterminants qui bloquent la participation de la femme à la politique et la participation de la jeune, parce que, bien sûr, la femme aussi bien que les jeunes, nous sommes presque dans les mêmes situations en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que ça, c'est des facteurs clés que vous devrez mettre l'accent sur, par rapport à l'économie, par rapport aux facteurs socioculturels qui sont là et qui n'est pas que seulement la technologie. Je vous remercie. Thank you. I'm going to give a chance to the researchers here to respond to some of it, and then we'll come back to the questions. I know there's more questions, okay? Jane, would you like to start, please? I'll just reply to the question on the work machineries and governance very quickly. In terms of women and work, I think that one of the things that the Anglophone Caribbean raises is to remember not to be too sanguine that education is the solution to everything, because we have an increasingly highly educated female population that still makes significantly less money and has more trouble finding jobs and more trouble keeping jobs. So that the translation of education into employment is still a very crucial issue, so that we mustn't just think that what's needed is enough education and then everyone will be fine, because there are very strong forces at work that are making it difficult for young women to translate their education into the same degree of good jobs and security that men get. I think... Well, I'll just focus on Amanda's question on governance structure. I think we are trying to look at governance at a number of different levels, but I think that often the most active, the place where I find women in the Caribbean most active is at the more local and municipal level rather than the national level. And I think that if we don't look at all three, we'll probably wind up with a skewed picture. So I think we may have to be very conscious that there are different governance levels that have different levels of welcoming and possibilities for women or not. So I think that's important. And in terms of gender machineries, the gender national, I've been very cynical about gender machineries, written a lot of nasty things about them, and yet working with gender affairs minister in the British Virgin Islands, she has made a huge difference Now she's just being fired from her job because she's an outsider, so, you know. But she worked with a local minister, a woman minister, to basically carry through some very progressive efforts on gender mainstreaming. And so it's made me realize that there's a lot that can be done within as well as without. And we need people in both arenas. I think that's important. Thank you. Omeima, just before you take it, I realize how fast the time goes. And I really don't want to lose these two ladies here that have also waited patiently. So maybe I'm going to ask them also to ask their questions, and then we will go through the panel because we will have to wrap up shortly after. So please. Thank you. I'm Marta Rosenberg from de Argentina. Voy a hablar en español. Mm-hmm. Sí. En mi país hay cuota de género desde hace 25 años y los cuerpos parlamentarios y los cuerpos de gobierno en general respetan la cuota de género. Tenemos una presidenta mujer y lo mismo que hubo en Chile y hay en este momento en Brasil. Para mí la pregunta es si tal vez habría que preguntarse si las mujeres no llegan al poder político cuando ya el poder político en su forma representativa está terriblemente desgastado y desprestigiado como forma de democrática de ejercicio del poder. Es decir, cuando las mujeres logramos llegar al poder político, el poder político en su forma representativa ha sido ya atravesado por todos los procesos en que el poder real no está en el poder político. El poder real en el mundo está en el poder financiero, en el poder militar. Entonces, la pregunta para mí sería ¿cómo hacemos las mujeres para cambiar la política, lo político, y no cómo hacemos para engancharnos en el poder tal cual está en este momento estructurado en nuestros países? En mi país ya hubo una crisis post-neoliberalismo hace ya 10 años y de una impugnación popular muy fuerte hacia las formas representativas de la política, en que parecía que todo iba a ser distinto y en donde hubo enorme participación de las mujeres, se reconstruyó un sistema político en donde algunas cosas han cambiado, pero de todas maneras no hay una diferencia entre cuántas mujeres haya en el poder, en las estructuras de poder, sino en cuáles son las políticas que esas mujeres están dispuestas a llevar adelante. Gracias, thank you. I'm going to ask for short questions because we'll then have to go back to the panel. Merci beaucoup. Moi, je suis sénégalaise. Je suis là pour participer à ce congrès des femmes sur invitation des partenaires canadiens, qui est le Carrefour canadien international avec la table des groupes de femmes de Montréal. Nous sommes sur un beau projet à la Médina, dans la capitale, qui s'appelle Diguenou Médina Action Citoyenne. C'est un projet vraiment pour augmenter la participation des femmes en politique, surtout la participation au niveau des instances de décision, commençant par le niveau local. Je m'intéresse à cet atelier qui parle de politique et de participation parce qu'au niveau de notre association, qui est une association locale, qui regroupe pratiquement 600 membres répartis en petits groupes de base à la Médina, nous avons la sensibilité et la prise de conscience d'organiser les jeunes filles. Parce que si on parle de relève, que ça ne soit plus un discours, mais que l'ensemble des organisations du mouvement social, de la société civile, puissent prendre en compte la problématique ou la préoccupation de ces jeunes filles. Et sur cela, nous avons mis en place un programme de leadership jeunes filles. Et je signale qu'il y a un mouvement citoyen qui est animé par Pendembo, une historienne, une sommité sénégalaise, qui vraiment a beaucoup contribué aujourd'hui à renforcer les capacités de ces jeunes filles. D'abord, pas tout le monde qui veut s'investir en politique, mais qui mène des actions de citoyenneté pour vraiment préparer la relève. Alors, une de mes préoccupations, c'est par rapport à la dame, la communicatrice qui a fait un peu le point sur les études au niveau francophone. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'au niveau du CRDI, il y a un document qui existe pour nous permettre d'avoir une banque de données? Peut-être que vous avez frôlé un peu la question, mais vous n'êtes pas allé en profondeur pour voir, de un. De deux, est-ce que cette enquête qui a été menée au Sénégal touche les 14 régions ou bien c'était juste ciblé pour un échantillonnage? Et quelles sont ces régions? Ça nous intéresse. J'ai tantôt noté dans votre communication où vous parlez de la parité et un peu du réseau des femmes parlementaires. Je le dis avec beaucoup de fierté dans cette salle, que les femmes parlementaires ont beaucoup joué aujourd'hui vraiment au vote de cette loi sur la parité. Ça, il faut le reconnaître. Et même avant ce vote de cette loi, il y a eu d'autres lois qui ont été votées, par exemple sur les violences faites aux femmes. Et ça a fait une grande mobilisation des organisations de la société civile, hein, du mouvement syndical, des femmes dans le syndicat et autres entités qui se sont battues pour arriver à cette loi sur les violences faites aux femmes. Maintenant, je me demande... Oui, juste une peut-être question. Très vite, s'il vous plaît. Pardon? Très vite, s'il vous plaît. OK. La dernière question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête a montré que les femmes parlementaires ont pris du recul ou bien elles sont toujours... En tout cas, la réalité au Sénégal, c'est qu'elles sont avec nous. Toutes les actions de plaidoyer que nous menons au niveau de certaines lois sensibles à la question des femmes, nous la menons avec ces femmes parlementaires. Je me demande à quel niveau elles interviennent. Est-ce que c'est faible ou c'est pas faible? Parce que là, l'étude est exhaustive, mais vous n'êtes pas allé en profondeur pour nous donner des éléments plus précis. Okay. Merci. Merci. Okay, I'm going to turn to the panel because you know it has to be very quick because already we are past the time of the room. Muy rápido. Please. Pertenezco a una organización de mujeres que justamente está en este movimiento social para poder promover y la ley de cuotas. Tenemos en nuestro país una experiencia de dos gestiones públicas de elecciones de mujeres y aquí va mi gran reto como organización que construye la ciudadanía de a pie, como decimos en nuestro país. Las mujeres tienen que estar preparadas luego para poder impulsar esta ley de cuotas, porque como decimos, echa la ley, echa la trampa. Y la experiencia y las lecciones aprendidas en mi país es que debemos mantener la vigilancia para que esta ley se dé en condiciones óptimas de igualdad de oportunidades y seamos representativamente en los espacios de mayor decisión como es el Congreso. Como una lección aprendida en esta experiencia corta de mi país de poder promover la ley de cuotas es la construcción, el liderazgo que deben tomar las mujeres para que realmente se vean representadas con capacidad de decisión y tener en estos espacios de decisión las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Okay, thank you very much. Now the impossible task of asking you to maybe choose one or two quick points. As always, we run out of time very fast. So I'm going to start with Marie-Hélène. And then I'll... Comme il faut répondre vite, je vais répondre deux choses seulement. La première, par rapport à la dame du Mali, je suis désolée. Effectivement, ce que je disais sur les jeunes femmes qui vont dans les cyber pour trouver des maris étrangers ne concernait pas le Mali, c'est exact. Ce n'est pas de ce pays en question et je suis désolée, ça a été interprété ainsi. Par rapport aux autres questions, de manière transversale, je voudrais dire que... Le projet se préoccupe beaucoup de contextualiser historiquement la recherche qui est faite, à savoir que le projet essaye d'étudier la participation politique des jeunes femmes à l'heure actuelle. Or, l'heure actuelle, telle que nous l'avons problématisée dans le cadre du projet, est marquée par la crise. La crise en Afrique, elle est intervenue un peu avec retard par rapport à la crise mondiale. Au début, on pensait même que l'Afrique n'étant pas tellement insérée dans les circuits financiers, ne souffrirait pas trop de la crise. On se rend compte, avec 2, 3, 4 années de recul, que, au contraire, ça frappe avec des spécificités très particulières, mais ça frappe très fort. Donc, tout ce qui tourne autour de cette crise que nous avons interprété en termes d'hypermodernité, tout change en même temps. C'est un système qui est en train de venir à bout de souffle et qui va se transformer. Et par exemple, ce que la première personne qui a posé des questions sur le système éducatif, le travail, etc., il est évident que, d'abord, le système éducatif en Afrique francophone, faut bien reconnaître, c'est quand même, dirons-nous, une certaine faillite. Pour ce qui est du travail, ça n'est pas très loin non plus. Je pense qu'en termes de développement, il y a beaucoup de distance entre la réalité et ce qu'on voudrait que ce soit. Donc, et il est évident que ça ne peut que se transformer et que les politiques qui devraient être amenées à être mises, enfin soutenues et promues, devraient aider à ces transformations. Il est évident que le travail et l'éducation ne peuvent pas continuer à être ce qu'elles sont, et que, bien sûr, ça va toucher les jeunes, et il faudrait, tout va bouger en même temps. De la même manière. Pour ce qui est de la participation des jeunes femmes à la question de l'expression, nous avons remarqué dans des travaux antérieurs que nous avons faits, c'est que les jeunes femmes en Afrique francophone n'ont pas la parole. On leur a jamais demandé de parler en public. Elles ne vivent pas dans le domaine public, elles vivent dans le domaine privé, domestique. Et une fois arrivées en public, elles sont démunies de capacités. Donc, amener les jeunes femmes à parler en public, en particulier à parler en public de questions privées, par exemple tout ce qui concerne leur corps et leur sexualité, c'est sûr qu'il faut préparer des stratégies particulières, en particulier quand elles parlent devant des aînés ou bien même quand elles parlent devant des hommes, y compris des jeunes hommes. Donc là, il y a des stratégies particulières à mener. Voilà, à peu près. Pour ce qui est de la dame du Sénégal qui demandait des questions sur... comment ça se passe, comment nous avons fait au Sénégal, je souligne que la recherche dure 2 ans et elle a commencé en janvier, donc elle est en train de se faire. Nous n'en sommes pas encore au point de présenter des résultats pour l'instant. Bueno, yo voy a ser muy breve y voy a contestar a 2 preguntas a 2 personas que ya no están aquí, pero los contesto. Bueno, la persona que ha preguntado cómo ligamos la escuela con el trabajo y con lo que es la participación política. Tengo que decir que, como decía antes, la escuela, el nivel, la currícula, el nivel de la educación ha bajado muchísimo. Entonces, parece que la gente va a estudiar y va a la escuela para obtener títulos. Pero esto no está ligado al mercado del trabajo, que el mercado del trabajo está en una crisis total. Porque ahora mismo en Sudán, enriquecerse o hacerse tener un sueldo decente, se buscan otras maneras, o bien emigrar, o bien tener alguien de la familia fuera que soporta a la familia, pero la gente no aspira a tener un trabajo digno, que no lo hay, y mucho menos para las mujeres. Y es cierto que la implicación de las mujeres en la escuela es mucho mayor que el de los hombres, pero luego la salida es bastante oscura para ellos. En cuanto a la pregunta o el comentario de la mujer argentina, que no sé si anda por ahí, que también me pareció muy interesante, y es cierto que no es la participación política de la mujer, sino qué poder van a tener las mujeres. Y yo creo que se trata de reestructurar el poder mismo, el poder político, y mirarlo de otra manera y, por supuesto, con una perspectiva de género bien clara, que las mujeres tengamos otra manera de hacer política. Jane, a very quick final thought. I just want to thank the commentator on Argentina, but who I think raised a very important point. But I think we have to not just look at the military-industrial complex and those power structures. We also have to look at the structures that are within cultural practices, and particularly religious institutions, educational mm-hmm. institutions. There are all kinds of ways that political participation can be neutralized, I think. Thank you very much. We have to leave the room because I know there's others that want to come into this room, but I'd like to thank everybody on behalf of IDRC, also my guest speakers, our research partners, and I really look forward to sharing more information with you as the research progresses and then ultimately the research findings, which I think will be quite exciting. So thank you very much. Okay.